بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في قراءتنا والتعليق على أبواب من أبواب الصيام مختارة من رياض الصالحين. On continue les frères dans la lecture et le commentaire de plusieurs chapitres lié au jeûne tiré du livre Riyad al-Salihin, Al-Hafidh al-Nawawi, Rahimahullahu ta'ala. Babu amri al-sa'imi bi hifz lisanihi wa jawarihihi anil mukhalafati wal mushatama wa nahwiha. Le chapitre concernant l'ordre qui incombe au jeûneur de préserver sa langue et ses membres de toute interdiction. De tout interdit, et le fait d'insulter autre. Al-Allama Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, dans l'explication de ce chapitre, il dit « Wal-muradu bidhalik, annahu yajibu ala sa'imi, an yatajannaba kulla kawlin muharram, wa kulla fi'alin muharram. » Il dit « Ce qui est voulu par là, c'est qu'il est obligatoire au jeûneur de délaisser toute parole et tout acte interdit. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا فَرَضَ الصِّيَامَ مِنْ أَجْلِ التَّقْوَى. Parce que Allah Ta'ala, il a rendu le jeûne obligatoire à cause de la piété. Comme Allah Ta'ala le dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Aïe min ajli an tattakullaha azza wa jal, wa tajtanibu maharimah, wa la yuridullahu min ibadihi an yudayika alayhim bitarkil akli wa shurbi wal jima'a, walakin yuridu an yamtathilu amrahu, wa yajtanibu nawahiyahu, حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات. Ensuite il dit le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Et donc on comprend de ce verset que Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré le jeûne afin qu'on le craigne, qu'on délaisse les interdits. Allah ne veut pas de ses serviteurs le fait de les éprouver par le délaissement de la nourriture, de la boisson et des rapports intimes. Cependant, il veut que ses serviteurs lui obéissent et qu'il délaisse ses interdits, afin que le jeûne soit un enseignement. Et que les gens en profitent pour délaisser les interdits et accomplir les actes obligatoires. شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه وتارك للمحرم قائم بالواجب فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته. الله أكبر. Le cheikh il nous dit, et donc si un mois entier passe et la personne durant ce mois elle préserve sa religion, délaisse les interdits, accomplit les obligations, alors cela va entraîner le fait que la vie de cette personne change. Tu as un mois, tu t'efforces de faire tes obligations, de délaisser les interdits, cela va t'aider par la suite, le reste de l'année, pour craindre Allah tabaraka wa ta'ala, te rapprocher de lui. Et donc, Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah, dans ce chapitre, il nous cite deux hadiths qui sont très connus. Le premier hadith, an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha kana yawm sawm ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyakul inni sa'im. Muttafaqun alayhi. Le premier hadith que l'auteur il nous cite, rahimahullah, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, alors qu'il ne prononce pas de paroles interdites, ou qu'il ne commette pas d'actes interdits. Voilà yasrab, et qu'il ne parle pas fort, qu'il ne fasse pas de vacarme. Et si quelqu'un l'insulte ou le combat, alors qu'il dise « Certes, je suis jeûneur », hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'auteur ici, il nous a cité juste une partie du hadith, mais le hadith, il est plus long que cela. En fait, en réalité, ce hadith, on l'a déjà vu dans plusieurs autres chapitres qu'on a cités précédemment, et c'est pour cela que je ne vais pas répéter le hadith entièrement, inshallah ta'ala, mais nous allons nous suffire aujourd'hui du passage que l'auteur a cité. Pourquoi ? Parce que les autres passages, on les a déjà vus et expliqués. فقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم إن في الحديث النهي عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام. النووي dans l'explication de صحيح مسلم, il nous dit que الرفث c'est السخف, c'est-à-dire que toute parole basse, des paroles qui sont basses et qui n'ont pas d'intérêt, méprisables. Wafahishul kalem, des paroles abominables, détestables. Et donc, Ar-Rafath va englober tout cela. Tout cela est interdit donc pendant que tu jeûnes. Il y a ici l'interdiction de ce genre de paroles. Wakadhalika fihi an-nahyu 'an as-sakhb. Il y a aussi l'interdiction donc de faire du vacarme. لأن الأخلاق السيئة مخالفة للإيمان القوي. Car en réalité, les frères, le mauvais comportement est contraire à la foi qui est forte. Le jeûne t'appelle à augmenter ta foi, pas à la baisser. Et certes, le mauvais comportement ne rime pas avec la foi qui est forte et élevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, comme dans Sahih al-Bukhari, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Certes, les meilleurs d'entre vous sont ceux d'entre vous qui ont le meilleur comportement. Fahada siyam madrasa. Et donc ce jeûne est un enseignement, une école qui t'enseigne à t'améliorer. Wa hada tahsin يلزم منه تحسين الأخلاق. Et cette amélioration incombe l'amélioration du comportement. On ne va pas que dire l'augmentation des prières, fais qiyam al-layl, oui, jeûne, oui, invoque ton Seigneur, lis le Coran, etc. Et derrière, tu veux insulter les gens, tu parles mal. Il faut qu'on fasse attention à ça, mes frères. Cela aussi, ça fait partie de la foi. فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَكُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Alors, si quelqu'un insulte ou le combat, alors qu'il dise, certes, je suis jeûneur. اِخْتَلَفَ الْعُلَمَا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْكَلَمُ. Les savants, ils ont divergé ici. Ils ont divergé. الصَائِمُ إِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ هل يقول للساب إني صائم يعني أنا لست عاجزا عنك والذي يمنعني من إجابتك هو كوني صائما. Est-ce que le jeûneur, lorsque quelqu'un insulte, il répond à cette personne, certes, je suis jeûneur, c'est-à-dire, je n'ai pas l'incapacité de te répondre, attention, je ne suis pas incapable de le faire, mais ce qui m'empêche de te répondre, c'est que je suis jeûneur. Ou la tahutha sa'iman ala ifsadi sawmihi. Ou alors n'incite pas un jeûneur à corrompre ce jeûne. Et donc ce qui est voulu par là, c'est est-ce que le jeûneur, il dit à la personne inni sa'im, je suis jeûneur. Qala bihi jam'un min al-ulama. Beaucoup de savants ont cité cet avis, le fait que le jeûneur, ils disent à la personne « inni sa'im ». وذهب آخرون فقالوا لا إنما يقوله في نفسه. Non, certes il le dit en lui-même. Il ne dit pas à la personne je suis jeûneur, mais il le dit en lui-même. إني صائم. لماذا؟ ليستعين بذلك على عدم الإجابة. Afin qu'il cède de cela pour ne pas répondre à la personne. Il ne répond pas à la personne, mais il se dit en lui-même إني صائم. Pourquoi? Parce que ce jeûne est un secret entre lui et son Seigneur. Pendant Ramadan, tout le monde jeûne. Mais pendant les autres mois, il se peut que toi tu jeûnes, que l'autre ne jeûne pas. Et que l'autre il t'insulte. Est-ce que tu lui dis, je suis jeûneur, inni sa'im? Ou alors tu gardes ton jeûne entre toi et ton Seigneur. Et que tu te dis à toi-même, inni sa'im. Et donc je ne vais pas te répondre. Les savants, ils ont divergé. Et l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est le premier avis. Car le premier avis n'empêche pas le deuxième. Et donc le fait que la personne va dire à son frère, celui qui l'a insulté, lui dit « Certes, je suis jeûneur. » Aussi, il peut très bien céder de cette parole qu'il vient de prononcer. Il le prend comme rappel pour lui-même aussi, pour ne pas répondre à cette insulte. Pour ne pas répondre à cette insulte. « Wa la ilaha illallah huwa ikhtiyar al-imam al-Bukhari rahimahullah » Et il se peut, wallahu a'lam, que cet avis est l'avis qu'a choisi l'imam al-Bukhari. Pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari, il a cité ce hadith dans son sahih et il l'a cité dans Bab Hal Yaqulu As-Sa'imu Inni Sa'im Idha Shutim. Chapitre, ou du moins le sous-chapitre, est-ce que le jeûneur dit je suis jeûneur lorsqu'il est insulté? Il a cité ça comme ça. Thumma dhakara al-hadith. Et ensuite Al-Bukhari, il a cité le hadith. Wa lam yujib an as-su'al. Et il n'a pas répondu à la question. Les savants, ils disent لَعَلَّهُ لَمْ يُجِبْ اِكْتِفَاءً بِظَهِرِ الْحَدِيثِ. Il se peut, les savants nous disent, il se peut qu'il n'ait pas répondu en se suffisant du caractère clair du hadith. Le prophète qui dit, alors qu'ils disent, certes je suis jeûneur. Et donc si quelqu'un vient te voir, oh cher frère, ne réponds pas à l'insulte. Ne réponds pas au mal par le mal. Et ceci c'est pendant que tu es jeûneur. Mais prends-le comme madrasa, comme éducation, comme enseignement, afin de le faire aussi lorsque tu n'es pas jeûneur. Parce que c'est ça l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, ce n'est pas que pendant que tu es jeûneur, tu ne réponds pas à la personne, et dès que tu as fait l'iftar, yallah, c'est parti. C'est pas ça l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, c'est que tu arrives à le faire, que tu t'éduques pendant que tu jeûnes, afin que tu continues pendant que tu ne jeûnes pas. Wa ibadu ar-rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Et les serviteurs de Rahman, le tout miséricordieux, ce sont ceux qui marchent sur terre humblement. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Et lorsque les gens qui s'adressent à eux en toute bassesse, alors ils leur disent salama. Salama, les savants du tafsir, ils nous disent, c'est-à-dire, ils prononcent des paroles qui sont privées de tout péché. Des paroles dans lesquelles il n'y a pas de péché. Ils répondent à cette personne sans qu'il n'y ait de péché dans la parole. Et donc, c'est comme ça qu'on doit, les frères, on doit s'entraîner pendant ce mois afin d'améliorer nos propres personnes pour les autres mois. Ne pense pas que ceci, c'est assez spécifique aux jeunes. Comme on va le voir dans le hadith précédent, inshallah ta'ala. Ensuite, le deuxième hadith que nous cite l'auteur, rahimahullah, wa anhu radiyallahu anhu, et selon lui radiyallahu anhu, c'est-à-dire selon Abi Huraira. Kala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui ne délaisse pas la parole fausse et mensongère et le fait d'œuvrer avec celle-ci, alors Allah n'a pas besoin, Allah se passe du fait que celui-ci délaisse sa nourriture et sa boisson, rapporté par Al-Bukhari. فهذا الحديث أيها الإخوة ذكره البخاري في صحيحه كما نص عليه الشافعي كما نص عليه النووي رحمه الله. Donc ce hadith, Al-Hafidh al-Nawawi l'a cité, l'imam al-Bukhari l'a cité dans son sahih, comme l'a cité ici Al-Hafidh al-Nawawi. إلا أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الصيام. Sauf que Al-Bukhari a cité ce hadith dans le chapitre du jeûne. Dans Sahih Al-Bukhari, le chapitre du jeûne. Amma fil adab dhakarahu bi lafdhin aw bi ziyadat wal jahl. Et Al-Bukhari l'a cité aussi dans un autre chapitre, Al-Adab, les mœurs. Sauf qu'ici, il y a aussi un rajout, c'est Al-Jahl. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl. Celui qui ne délaisse pas la parole fausse et mensongère, ainsi que le fait d'œuvrer avec celle-ci, et Al-Jahl. Al-Jahl, ici, ils disent les savants, c'est pas l'ignorance. C'est Adamu Al-Hikma, le manque de sagesse. Wa kadhalika Al-Amalu bi ma yukhalifu as-sawab. Le fait d'œuvrer en faisant ce qui n'est pas correct, en faisant ce qui n'est pas conforme, en faisant ce qui n'est pas. En faisant ce qui est bas et qui ne convient pas. Et donc ici, il y a plusieurs actes qui sont interdits dans le jeûne. Waz-zur huwa al-kadhib wal-batil. Et le terme az-zur, c'est le mensonge, et c'est aussi ce qui est faux. C'est pour ça que je l'ai traduit en disant « Man lam yad'a qawla az-zur », celui qui n'a pas délaissé la parole mensongère et fausse. « Wal 'amalu bihi huwa muqtada ». Et le fait d'œuvrer avec cette parole fausse et mensongère, c'est le fait d'œuvrer avec ce qu'entraîne cette parole fausse et mensongère. On va voir des exemples, inshallah ta'ala. « Wa min al-amthilati ala dhalik » الكذب الذي يقوم به بعض الإخوة حينما يشهدون بأنهم لم يعملوا في هذا الشهر وهو خلاف الواقع. Parmi les exemples qu'il y a sur cela, le mensonge que certains de nos frères vont faire lorsqu'ils vont attester qu'ils n'ont pas travaillé pendant ce mois, alors que c'est un mensonge. Ils vont dire non, qu'ils n'ont pas travaillé. C'est dans quelle déclaration ça déjà? On avait vu la dernière fois, c'était hein? Mais la déclaration, c'est, ça s'appelle comment? Hein? La déclaration mensuelle. Lorsque certains vont faire la déclaration mensuelle, ils vont dire j'ai pas travaillé. Et c'est contraire à la réalité. Il a travaillé. Au noir ou au jaune ou au rouge, comme tu veux, tu as travaillé. Et donc ça, c'est un mensonge. Parce que tu fais ce témoignage. Pendant Ramadan, fais attention. Et le fait d'œuvrer avec ce témoignage, le fait que l'État t'envoie un salaire, que tu prends ce salaire et que tu manges avec ce salaire. J'ai pas travaillé. Man lam yad'a qawla az-zur wa al-'amala bihi. Celui qui n'a pas délaissé la parole mensongère et fausse, c'est le fait d'œuvrer avec celle-ci. Allah se passe du fait que celui-ci délaisse sa nourriture et sa boisson. Wa kadhalika min al-amthilati ala dhalika al-qawlu bi mashru'iyyati ba'd al-bid'ah. Parmi les exemples de paroles fausses et mensongères, il y a le fait de dire que certaines innovations sont légiférées. Les personnes qui font des innovations, et toi tu viens, tu dis, là-bas, c'est légiféré. Tu n'as aucune preuve du Coran et de la Sunna qui montre que cet acte est légiféré. C'est une innovation. Tu as fait rentrer dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. C'est pire que de mentir sur ton frère. C'est pire que de mentir sur ton frère. Là, tu as menti sur la religion d'Allah. Le fait d'œuvrer avec cette innovation. Et on continue. Parmi les exemples de cela que tu vois un cheikh, les musulmans profitent de lui. Il a de la science et des recherches qu'il fait. La hukutub wa durus, il a des livres et des cours. Ennas yastafidun min, les gens profitent de lui. Wal ulama al kibar yuzakkunahu yuthnuna alayhi khayran, les grands savants font ses éloges. Et toi tu viens, tu dis sa'fouk. Tu dis sa'fouk, il a rien, il a walou, pas de science, zéro. Subhanallah, qawl zour. Parole mensongère. Attention. Le fait de diviser les gens avec ça après. Tous les exemples que j'ai cités là font partie des exemples qui font diminuer le jeûne. Et donc fais attention, chers musulmans. Fais attention. Préserve ton jeûne. Préserve ton jeûne. Voilà, yafhamu. أولا يفهم من ذلك أن الصائم الذي وقع في شيء من ذلك يترك صومه. Et on ne comprend pas de là que celui, le jeûneur, qui tombe dans un de ses péchés, il doit délaisser son jeûne. Ah khalas, j'ai menti pendant Ramadan, c'est bon, je vais manger et je vais rattraper après. Là, là, là. Ça aussi, attention, peut-être que c'est aussi l'intention, attention. Et donc, non, tu continues ton jeûne. On n'a pas dit que ça rend le jeûne caduque. On a dit que ça diminue ton jeûne. Certains savants disent qu'il n'y a pas de récompense quant à ce jeûne. Mais cela diminue ton jeûne. Alors, fais attention afin que tu puisses profiter pleinement de ce mois. Que tu puisses profiter pleinement de ce jeûne. Que tu n'es pas juste, tu ne te sois pas juste fatigué. Mais profite pleinement de ce mois. وكذلك لا يفهم ان الله تبارك وتعالى محتاج الى عباداتنا. Et aussi on ne comprend pas de cela que Allah tabaraka wa ta'ala a besoin de nos adorations. Allah se passe du jeûne de cet individu qui n'a pas respecté correctement le jeûne. Mais Allah tabaraka wa ta'ala se passe des actes d'adoration de tous. Ici, il a cité cela de façon spécifique pour nous montrer que cette personne diminue son jeûne. Certains savants disent que c'est pour nous montrer que ce jeûne n'est pas accepté. Ce jeûne ne parvient pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'autres qui disent non, le jeûne il est accepté, mais cela diminue le jeûne. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Mais on ne comprend pas de là que Allah tabaraka wa ta'ala a besoin de nos actes d'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Celui qui remercie, il le fait pour lui-même. وَمَنْ يَكْفُرُ أَوْ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et celui qui fait preuve d'ingratitude, alors certes Allah est Rani. Rani, celui qui se passe de tous. Il est riche, il se passe de tous. Hamid, il est digne de louange. Et donc on fait attention à cela. Ne va pas penser que Allah a besoin de tes actes d'adoration. Mais c'est toi qui en as besoin. C'est toi qui en as besoin. Et pour finir, les frères, et donc il est important qu'on tire profit de ce mois. C'est vraiment important, les frères. Ce verset, cette parole qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il nous dit كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Il faut que tu médites sur cette parole, afin qu'on atteigne la piété. Taïb, qu'est-ce qui se passe durant Ramadan qu'il n'y a pas dans les autres mois? Qu'est-ce qui a été cité concernant les actes d'adoration durant Ramadan qui n'a pas été cité dans les autres mois? Afin que je puisse en profiter pour m'améliorer pour les autres mois. Il faut que tu fasses ça tout le temps. Quand on te dit de faire attention à ta langue, c'est vrai, pendant Ramadan, fais attention à ta langue. Mais ce n'est pas que pendant Ramadan, pendant tous les autres mois. Quand on te dit fais qiyam al-layl, c'est vrai pendant Ramadan, fais qiyam al-layl. Mais ce n'est pas que pendant Ramadan, c'est pendant les autres mois. On te dit jeûne, c'est pas que pendant Ramadan, c'est pendant les autres mois. On te dit donne l'aumône, c'est pas que pendant Ramadan, c'est pendant les autres mois. On te dit l'ikhlas billah, donc le fait d'accorder à Allah un culte exclusif, c'est pas que pendant Ramadan, c'est pendant les autres mois. Mais Ramadan, c'est une madrasa. Un enseignement, le fait que tu tiens profit de ce mois pour t'améliorer, corriger les manquements que tu as eus, donc pendant l'année pour que l'année d'après soit meilleure. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.